Debout sur la banquette arrière, il est encore plus fier que son père. Responsable des munitions, surveille la poudre à canon. C'est aujourd'hui qu'il apprend la vie. Hier c'était son anniversaire, le meilleur de tout l'univers, le plus beau de tous les cadeaux, sa première Winchester Shadow. Il avait de quoi sauter de joie. À travers les bois, équipé pour la guerre, il fera la loi, tradition millénaire. À l'affût derrière les fougères, encore plus vives qu'une panthère, il sent déjà bouillir le sang du petit garçon qui devient grand. Il se voit déjà fort comme papa. Il attend là des heures entières, il sait qu'il faut du caractère pour patienter sans gigoter, apercevoir un sanglier. Oui, mais rien ne vient comme chaque matin. Équipé pour la guerre, il fera la loi, tradition millénaire. Il a beau tenter des prières, aucune bestiole ne semble faire le premier pas devant la mire de son fusil triste à mourir. Son bâton qui brille est inutile. Quand soudain, comme en un éclair, au beau milieu de la clairière, un mouvement déclenche en panique de sa ville tout premier clic. Il n'a pas eu la trouille, il a des couilles. À travers les bois, équipe.